Christophe, chargé par Eugène d'aller avertir les deux filles que leur père, en train d'agoniser, les réclamait, revint. Rastignac, qui croyait le père Goriot endormi, laissa le garçon lui rendre compte à haute voix de sa mission. « Monsieur, dit-il, je suis d'abord allé chez madame la comtesse, à laquelle il m'a été impossible de parler. Elle était dans de grandes affaires avec son mari. Comme j'insistais, monsieur de Restaud est venu lui-même et m'a dit comme ça. « Monsieur Goriot se meurt, eh bien, c'est ce qu'il a de mieux à faire. J'ai besoin de madame de Restaud pour terminer des affaires importantes. Elle ira quand tout sera fini. Quant à madame la baronne, autre histoire, je ne l'ai point vue et je n'ai pu lui parler. « Ah !» me dit la femme de chambre, « madame est rentrée du bal à 5h15, elle dort. Si je l'éveille avant midi, elle me grondera. Je lui dirai que son père va plus mal quand elle me sonnera. Pour une mauvaise nouvelle, il est toujours temps de la lui dire. « Aucune de ces filles ne viendrait !» s'écria Rastignac. « Je vais écrire à toutes deux. » « Aucune, répondit le vieillard en se dressant sur son séant. « Elles ont des affaires, elles dorment, elles ne viendront pas. Je le savais. Il faut mourir pour savoir ce que c'est que les enfants. Ah, mon ami, ne vous mariez pas, n'ayez pas d'enfants. Vous leur donnez la vie, ils vous donnent la mort. Vous les faites entrer dans le monde, ils vous en chassent. Non, elles ne viendront pas. Je sais cela depuis 10 ans. Je me le disais quelquefois, mais je n'osais pas y croire. » Une larme roula dans chacun de ses yeux, sur la bordure rouge, sans en tomber. Ah, si j'étais riche, si j'avais gardé ma fortune, si je ne la leur avais pas donnée, elles seraient là, elles me lècheraient les joues de leurs baisers. Les misérables, elles couronnent dignement leur conduite envers moi depuis 10 ans. Elles se sont bien vengées de mon affection, elles m'ont tenaillé comme des bourreaux. Eh bien, les pères sont si bêtes.